Mardi 29 octobre, vous écoutez l'Aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour 7 heures consacrées à l'univers des arts visuels. Cette semaine à l'émission, Patrick Sternon qui vient nous présenter son exposition Tissu aporétique, qu'il expose à Regard. Fanny Hennon-Lévy est allée faire un tour du côté de Vue pour voir l'exposition Visite libre de Yann Giguère. Geneviève Gaffes viendra nous entretenir au sujet de son projet Bureau de recherche qui est présenté à la Galerie des arts visuels. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse comme à l'habitude. Et bien entendu, le tout est ponctué par les sélections audio de Simon Roy. Bonjour Simon. Bonjour Julie. Ça va bien? Très bien. Cette semaine, quand j'ai regardé tes suggestions, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer la longueur des titres, des pièces. Oui, c'est vraiment cruel. C'est vraiment pas pour la radio, mais vu qu'on est assez KRL, bon, on peut se le permettre. Ben c'est, oui. C'est des romans, ces titres de pièces-là. C'est l'album, c'est de Situationist. C'est par un duo qui s'appelle The Fucked Up Beat. Ils se décrivent eux-mêmes qui font du trip-hop schizo-noir expérimental. Donc, vraiment spécial comme ambiance. C'est assez hypnotisant. Ça tourne autour un peu du jazz, musique, un peu de field recording au travers de ça. Puis ce qui est particulier, c'est que les deux artistes, donc c'est Brett Zenner qui vient de San Diego, puis Eddie Palmer de New York. Les deux artistes collaborent par courriel. Ah ouais. Donc, ils sont jamais dans la même pièce quand ils font leur collaboration. Ils s'échangent des morceaux, puis ils finissent par mixer ça, puis ça donne un résultat vraiment intéressant. Je pense qu'ils n'ont jamais pu donner de prestations les deux en même temps. Donc, c'est vraiment des albums studio, comme on peut dire. Intéressant quand même, parce que c'est vraiment, pas en simultané, mais en différé finalement, là. C'est ça exactement. Chacun agace un peu l'autre avec une pièce, l'autre répond. Puis c'est ça, j'avais déjà fait passer ce duo-là à l'émission. Puis là, c'est leur dernier album. C'est sur l'étiquette Fun OK, qui est un peu surprenant. C'est une étiquette qui est plus dans la musique un peu électronique pop. Mais je pense qu'ils ont sauté sur l'occasion de les publier. Voilà. Ben Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on t'écoute à Web Musique dimanche à 8h, hein? Oui, c'est ça. Voilà, donc sur les ondes de CKRL. On s'en va en pause audio, on écoute tout de suite un extrait. Probablement que dire le titre va être plus long, mais bon. C'est Schizography, In the Green Automobile, Which I Have Invented, Imagined and Envisioned on the Roads of Our Metropolis sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatiale, j'accueille à l'instant Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour Julie. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans les arts visuels? Ben, on ne s'en prétend pas faire une revue exhaustive. Non, mais non, mais j'ai même envie de te relancer et d'ajouter à ton cette semaine qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les arts les visuels. Nouvelles sont fraîches. Les nouvelles sont fraîches. En fait, a dévoilé le Musée national des beaux-arts du Québec et sa fondation les finalistes, les 5 premiers finalistes au premier prix en art actuel du Musée national des beaux-arts. Alors, on rappelle, en fait, c'est un prix qui est destiné aux artistes qui ont une carrière qui est étendue sur plus de 10 ans. On parle des critères qui impliquent indique également la qualité et le caractère soutenu de la production de l'artiste, ainsi que la reconnaissance par le milieu d'une réelle contribution artistique de ce dernier. L'idée n'est pas de contribuer à soutenir soutenir la carrière du lauréat, mais aussi à lui donner un élan supplémentaire. Donc, cela étant considéré, c'est associé également à un don important qui avait été fait, je crois que c'est la fondation RBC. Donc, il y a des montants d'associés à ce prix-là. Donc, bref, ça avait été annoncé l'année dernière, on en avait parlé d'ailleurs, et ça venait un peu remplir un vide en matière de prix de reconnaissance au Québec pour des artistes établis. Oui, parce que c'est vraiment un très, très beau prix. Là. Oui, c'est un très, très beau prix. Et c'est également donc un prix biannuel. Donc, prochain gagnant, ensuite, ça ira à dans 2 ans, avec un premier jury qui a choisi les finalistes, et il y aura un deuxième jury qui vont choisir le gagnant parmi les finalistes. Pas le même jury. Alors, c'est quand même assez intéressant aussi comme procédure. Alors, les finalistes, eh bien, il y a Jean-Robert Drouillard, qu'on a vu notamment via L'œil de poisson, quoi, Bloc simple récemment du côté de la galerie Lacerte également, ici à Québec. Il expose, là, éminemment. Là, je suis pas certaine. Faudrait que je vérifie si c'est commencé ou sinon c'est très bientôt. Là. Alors, il y a M. Drouillard, il y a Valérie Colakis également, qu'on a vu notamment du côté de L'œil de poisson, du côté du Musée d'art contemporain de Montréal, la Triennale québécoise qu'il y avait là-bas. Entre autres choses, on parle de redéfinition du paysage urbain en relation avec les problématiques de migration, de déplacement, changement, construction de l'identité. Également, il y a Emmanuel Léonard. Emmanuel Léonard qui compte de nombreuses expositions individuelles collectives un peu partout au Québec et ailleurs, au Canada également. À Québec, elle explore, elle, l'univers de la photographie policière et ses techniques. Thérèse Mastroya Covo, donc artiste qui travaille à Montréal, multidisciplinaire, dont le travail implique un savoir-faire artistique qui est appuyé par une approche méthodologique, donc un travail de reclassification de processus et de procédure. Elle aussi, à l'image des autres, donc, a été présente à différents endroits. Et enfin, donc, cinquième finaliste, il s'agit de Diane Morin. Donc, Diane Morin qui a travaillé notamment au Centre Circa récemment, élaboré un dispositif de projection automatisé, un théâtre d'ombre. Elle a travaillé également sur une installation cinétique du côté de la Galerie Clark. Il y aura une version d'ailleurs de cette œuvre qui va être présentée en novembre à L'œil de poisson. Ben oui, en fait, le vernissage, c'est ça que je voulais te dire. Le vernissage est vendredi prochain à 20h, donc ça tombe bien. Deux expositions en même temps de deux lauréats, nominés plutôt. Exactement. En anglais, on dirait un bon timing. Oui, effectivement. Alors ça, c'est les 5, donc, premiers finalistes de ce premier prix en art actuel du Musée national des Beaux-Arts. On leur souhaite bonne chance. Sinon, j'avais envie d'amener une bonne nouvelle, en fait. Bon, importance relative, mais je trouvais ça chouette, en fait, c'est qu'il y a eu la Société de développement des périodiques culturels québécois qui a fait un sondage. Question de savoir un peu les habitudes des lecteurs des magazines culturels, qui lit et quel magazine parmi l'offre de la SODEP est le plus lu. Et semble-t-il, selon ce sondage-là, que le magazine le plus lu de toutes les revues culturelles au Québec, ben, c'est un magazine dédié aux arts visuels. Il s'agit du magazine Vie des arts. Donc, quand même assez intéressant là-dessus. Et ça en a surpris quelques-uns parce qu'elle est plus lue que les revues littéraires. On pense à Nuit Blanche, Lettre québécoise, entre les lignes. Alors, ben non, c'est un des magazines d'art visuel de la SODEP qui est le plus lu. Et sinon, ben, ce qu'on on détaille un peu aussi là-dessus, là, un taux de satisfaction quand même assez élevé des lecteurs, etc., etc. Mais moi, ce que je retiens, c'est ce petit volet de l'anecdote, si on peut dire. Oui, c'est surprenant. Sinon, deux petites nouvelles en lien avec Toronto Art Toronto, donc qui a eu lieu tout récemment via le magazine Canadian Art. Deux petites réflexions que je lance en 30 secondes chacune. Première, en fait, simplement pour dire qu'il y a un intérêt en ce que les anglophones appellent le blue chip art, donc des artistes qui sont pas nécessairement entièrement établis, qui sont en train de s'établir. On parlait d'investissement du côté du marché de l'art, et donc l'idée justement que d'investir dans des artistes, ça représente un investissement parce qu'il y a une valeur qui est croissante. Et ben donc d'un côté, on a tendance à investir donc dans des jeunes artistes, des blue chippers, donc des gens qui débutent et qui sont en train de s'établir donc pour augmenter un peu cette valeur-là. Donc d'un côté il y a ça, de l'autre côté ben il y a aussi l'idée d'investir au contraire dans des valeurs sûres qui ne perdront pas de valeur, et ça amène d'autres types de problèmes, notamment cette idée que certaines œuvres marquantes de certains artistes vendent bien, mais par contre les œuvres secondaires de ces mêmes artistes qui ont peut-être un peu moins de valeur, qui prendront n'ont pas nécessairement beaucoup de valeur. Elles ne vendent pas parce que ce ne sont pas des valeurs sûres. Alors quand même une certaine dichotomie. Et sinon, l'autre petite nouvelle qui est assez intéressante, c'est qu'il semble-t-il, il y a de plus en plus d'artistes qui choisissent de ne plus passer par des agents, agents d'artistes, par des représentants, par des galeristes pour se promouvoir. Ils le font eux-mêmes. Donc on voit de plus en plus, c'est ce qu'on observait à Art Toronto, donc l'émergence justement de plus en plus de collectifs d'artistes qui se regroupent pour se promouvoir, pour promouvoir et vendre directement leurs œuvres. Et d'ailleurs, ça devenait un des angles d'attaque et de mise en marché de l'édition 2013 de l'événement, en misant justement sur la quantité d'artistes qui étaient présents sur place et là-dedans, bien évidemment, beaucoup d'artistes auto-représentés. Dernière nouvelle un peu plus déprimante, sculpteur abstrait britannique Anthony Caro, dont les assemblages métalliques ont fait le tour du monde, est décédé mercredi dernier d'une crise cardiaque, décédé à 89 ans. Il était considéré comme le plus grand sculpteur britannique contemporain. L'une de ses œuvres les plus connues, Early One Morning, représente un assemblage de poutres et de panneaux en métal peint en orange. C'est en 1962, on peut le voir actuellement à la Tate Gallery à Londres. Voilà, 89 ans, c'est quand même un âge vénérable. Oh oui. Raymond Poirier, merci. Ça me fait plaisir. Vendredi, qu'est-ce qui se passe à la vie en BD? Les 15 ans de la pastèque, exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Voilà, donc c'est à ne pas manquer vendredi à 17h30. On s'en va en pause audio, on écoute Unitary Urbanism, The Velocity of Money as it whistles through windows of the Lower East Side in delighted skyscrapers on Broadway. On vient d'entendre un extrait du nouvel album de The Fucked Up Beat de Situationist. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement des pièces sur le site laérospatiale.wordpress.com. Également, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, l'émission disponible en balado-diffusion, et puis les communiqués de presse qu'on reçoit de l'univers des arts visuels. Tout ça est là, tout ça est maintenu à jour par notre collègue Raymond Poirier. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook si vous voulez pour compléter le tout. Voilà. Ceci étant dit, on fait un tour à la Galerie des arts visuels pour discuter du projet Bureau de recherche de Geneviève Gast. Bonjour. Bonjour. Je dis un projet parce que c'est assez difficile à catégoriser. Est-ce que c'est de l'installation? Est-ce que c'est de l'art relationnel? Est-ce qu'il y a un côté performatif? Peux-tu nous présenter un peu le Bureau de recherche? Dans le fond... Moi, j'aime pas beaucoup non plus la catégorie. Je préfère m'inscrire dans un projet, justement. Fait que c'est assez drôle que tu parles de ça. Parce que je me dis que dans le projet, justement, je peux utiliser absolument tous les médiums, toutes les possibilités, c'est libre. Donc, c'est ça, j'ai créé une installation performative à l'intérieur de laquelle j'entre en relation avec des gens, mais parfois je suis seule, donc je fais de la recherche. Alors, il y a comme plusieurs strates à l'œuvre, disons, là, plusieurs façons de la gérer. C'est une œuvre un peu libre, finalement. Parce que, faut le dire, là, quand on arrive dans la salle d'exposition, c'est assez déroutant, là, parce que, bon, on connaît la Galerie des arts visuels, ses grands murs blancs, son plancher très pâle, c'est un grand espace, et là, soudainement, on a l'impression d'entrer chez quelqu'un parce qu'il y a un coin salle à manger, il y a un coin salon, il y a un coin bureau, il y a des petits coins lecture. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler ce projet-là? Oui, dans le fond, moi, c'est parce que mon travail se situe à questionner les systèmes qui sont en place, finalement, tout ce qui est notre façon de voir aussi nos perceptions. Ça fait que quand je me suis questionnée sur la façon dont on entre dans la galerie, aussi nos perceptions face à elle, notre démarche dans le lieu. Puis je me suis dit qu'installer justement mon bureau de recherche avec toute une mise en situation, finalement, d'un appartement ou d'un loft, ben ça allait inviter à se questionner sur l'environnement en place, puis sur nos perceptions face à l'art. Et toi, t'es là relativement régulièrement, de ce que je comprends, tu vas travailler. Oui, dans le fond, la salle. Oui, je travaille sur ma recherche, puis aussi, ben. De ton projet de maîtrise, j'imagine. Oui, c'est ça, sur la fin de mon projet de maîtrise, finalement, puis sur tout ce qui comprend aussi la vie d'un artiste, finalement, de produire son œuvre, mais aussi de l'expliquer, de faire des appels de dossiers, puis de travailler, finalement, c'est le travail de l'artiste que j'essaie de montrer. Celui qu'on voit moins un peu, là. Oui, ben, c'est comme l'envers de. Ouais. C'est le côté caché de l'objet, peut-être, ou dans lequel, dans le fond, moi, j'ai l'impression d'avoir installé un objet aussi à l'intérieur de la galerie, à l'intérieur duquel, moi-même, j'agis, puis je considère que j'en fais partie. Comme si tu faisais une mise en abîme de ta propre vie? Oui, c'est ça, oui. Et, bon, quand t'es dans la galerie, comment ça se passe avec les gens? Parce que moi, je me suis dit, bon, ça doit être elle, l'artiste, j'ai voulu te parler un peu avant l'entrevue, mais comment les gens réagissent? Ben il y a plusieurs réactions, finalement. Ça dépend tout le temps de la personne, si elle est au courant ou pas. Quand elle est pas au courant, ben ça arrive que elle reste sur le pas de la porte, elle attend un peu, elle veut voir si elle est à la bonne place. Étant donné que la galerie est détournée, donc la personne se questionne sur est-ce que je suis vraiment à l'exposition ou alors là elle entre et puis ça dépend tout le temps si elle veut entrer en communication avec moi ou pas. J'ai pas de règle établie face à ça. Moi je la salue souvent, je lui dis si vous avez des questions ou vous pouvez me parler. Parce que finalement j'ajoute ça un peu à mon œuvre aussi. Je souhaite qu'elle parle. Je veux pas seulement qu'elle soit statique, donc. Ben c'est ça, hein, tu parles, tu veux pas qu'elle soit statique. Moi, ce que je me disais aussi, dépendamment, bon, si toi, t'es là ou non, il y a toujours quelqu'un qui garde l'exposition. Moi, quand j'y suis allée, l'employé était assis dans les divans. Ça change toujours, là, en fonction de ça, tu sais, parce que l'employé peut aussi bien décider de rester dans le bureau d'accueil. Oui, c'est ça. Ben finalement, ça dépend de l'employé aussi, parce qu'il y en a qui préfèrent ça, être dans le bureau puis accueillir. Puis ça crée une ambiguïté aussi pour le visiteur à ce moment-là, que la personne soit assise dans le bureau ou dans la salle, finalement, parce que quand il y a quelqu'un dans le bureau, ben là, il se sent un peu plus dirigé, mais là, quand la personne est dans la salle, et puis là, il est un peu laissé à lui-même, fait que je laisse souvent le temps aux visiteurs d'absorber l'environnement avant d'entrer en contact avec la personne. Puis qu'est-ce que tu reçois comme commentaire? Parce que j'imagine que tu as eu quelques discussions aussi. Oui, ben dans le fond, j'ai beaucoup de discussions finalement sur l'art. Fait que c'est ça, j'ai des bons commentaires. Je dirais que je suis même étonnée parce que je pensais, on le sait pas avant d'arriver là. Ouais. On le sait pas que comment les gens vont réagir. Puis ça me faisait un peu peur finalement. J'étais là, si jamais les gens ils aiment pas ça, ils comprennent pas comment j'agis moi. Est-ce que là il va falloir que moi-même change mon comportement peut-être ou tu sais, je posais une réflexion sur ma propre façon d'être finalement dans. Donc, tu t'impliquais à un niveau de plus encore. Oui, c'est ça. Dans l'installation, disons, tu as choisi de présenter des œuvres de jeunes artistes, je présume. Peux-tu nous en parler un peu? Tu me disais qu'il y avait des œuvres de Cynthia Fecteau, notamment. Oui, dans le fond, c'est que j'ai voulu... Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça devenait une exposition collective à cause ça, puis je trouvais ça intéressant aussi, cette idée-là de mise en abîme de la galerie presque aussi, là, qui apparaît à ce moment-là. Ça devenait un détournement aussi de faire ça. Le contexte de l'œuvre, parce que là, on dirait que ce sont pas des œuvres décoratives. Mais soudainement, on les voit dans un contexte probable qui n'est pas celui de la galerie. C'est ça. Ben dans le fond, c'est ça. C'est ça que j'ai voulu montrer en même temps. Mais c'est drôle parce que j'ai invité un autre artiste aussi, Christophe Barbeau, à venir faire des lignes dans l'espace. Donc, c'est un peu plus conceptuel. Alors, on pourrait se questionner à ce moment-là. Il y a comme redessiné des contours un peu cachés. C'est vraiment subtil. On pourrait se questionner sur est-ce que chez soi, on pourrait avoir ça aussi, finalement, cette œuvre-là. Donc... est-ce qu'on pourrait avoir une œuvre relationnelle chez soi? Ou il y a comme plusieurs questionnements face à ça sur qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qu'on achète finalement. Là. Qu'est-ce qui est l'œuvre aussi, oui, tu sais, dans aussi. Le cas de la ligne, je veux dire. C'est un concept. Ton projet aussi est plus conceptuel que... il est incarné, là, mais on s'entend que l'intérêt réside beaucoup dans la réflexion aussi. Oui, là. C'est ça, oui. Ben, ça, les trois artistes qui sont dans la galerie sont de ce genre-là aussi pour des réflexions semblables. Il y a Cynthia Fecteau, justement, Boris Duménil et Christophe Barbeau qui ont aussi des réflexions un peu similaires là, de face à l'objet, finalement. Est-ce que c'est pour ça, justement, que tu leur as demandé à eux plus spécifiquement, en fait, de... Oui, bien, je pense aussi c'est qu'il y a toujours une relation entre... c'est pas seulement pour ça, c'est que, finalement, j'aime ce qu'ils font aussi. Ouais. Il y a comme des intérêts personnels aussi à ce que j'aime leur travail, donc ça me parle. C'est un petit peu pour ça que je les ai invités aussi. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont pensé de leurs œuvres dans ce contexte-là? J'ai deux personnes. Dans le fond, Christophe est venu faire les lignes pendant que j'étais pas là. Donc, lui, il était enchanté de faire des lignes. Il trouvait ça merveilleux d'avoir un espace entier à pouvoir conquérir. Et là, on fait juste donner l'exemple, il fait des lignes, ce que tu m'avais montré. Oui, c'est un peu là, drôle donc, de dire c'est un peu autour de... Il y avait l'ombre du tableau et lui, il est venu délimiter c'est l'ombre ça. Du tableau, donc c'est très, très discret. Là. C'est très discret, puis c'est quand même un peu une chasse à suite de ça, parce que là, on voit l'environnement et on se demande où il les a mis, finalement. Puis on se demande aussi, est-ce qu'on va toutes les trouver? Ouais, c'est ça. On sait pas exactement combien il y en a non plus, j'imagine. Est-ce que tu sais, toi? Il me les a toutes montrées, mais je suis pas sûre de ça. Je suis vraiment pas sûre qu'il m'a dit toutes les places, donc... OK, une petite chasse, au trésor. Ouais. J'aimerais savoir aussi, parce que, bon, je t'ai demandé comment les gens ont réagi, mais il y a eu un vernissage, hein, cette exposition-là. Moi, j'étais pas là. Mais les gens, comment ça se passait? Parce que habituellement, dans une galerie, je peux peut-être élargir aussi la question, mais habituellement, dans une galerie, dans un musée, on peut pas toucher. Il y a quelque chose d'un peu sacré, là. C'est un environnement, ça ressemble à un loft, un milieu de vie. Est-ce que les gens s'assisaient? Au vernissage, on dirait que les gens se sont assis beaucoup quand même. Ils se sont assis dans le salon, ils parlaient à la table. Il y avait comme des petits groupes qui se formaient dans différents différents lieux de la galerie, un peu comme quand on est dans une fête, finalement. Mais je dirais, par exemple, qu'il y a quand même un aspect qui est gardé là-dedans. C'est assez bizarre, parce que même moi, dans mes idées, c'est la galerie quand même. Ouais. Puis ça, c'est drôle, parce que là, je vois les objets de plus en plus proches de moi, mais je disais que des fois, la tasse que je prenais, je me questionnais, est-ce que c'est une œuvre à cause que je suis dans une galerie? Donc, il y a comme tout un questionnement aussi qui se passe face aux objets qui sont là pour la personne, mais pour moi aussi, finalement. Puis en même temps, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir à quel point c'est quotidien aussi, ce qu'on voit. Tu sais, moi, quand j'y suis allée, je regardais ta bibliothèque, il y a des livres d'histoire de l'art que j'ai, il y avait la machine à café dans le coin, il y avait du café dedans, vous en buviez. Donc, est-ce que les gens réagissent aussi à quelque chose qui est très près d'eux? Je pense comprendre ce que je veux dire. Ben oui, c'est que dans le fond, c'est que ça fait une proximité avec leur propre véhicule, leur propre corps, finalement, tu sais, parce qu'ils sont habitués de prendre du café ou ils me posent des questions sur les meubles, sur l'agencement, sur... tu sais, encore, l'espace, on vit tous avec, finalement, cet espace-là, puis c'était peut-être ça que je voulais venir interpeller aussi à la fois, là, en m'installant dans la galerie. Mais tu parles des meubles, moi, je me suis posé la question, il y en a beaucoup, là. On s'entend, là, l'espace de la galerie des arts visuels, c'est très grand, là. Des emprunts, tu sors ça d'où? Tu n'as pas vidé ton appartement? Non, mais j'en ai quelques-uns qui sont à moi. Il y en a beaucoup, en fait, parce que ça ressemble un peu à mon appartement. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il y en a qui m'ont été prêtés. Fait que finalement, il y a deux appartements en un. OK. Je l'admets. Fait que t'as emprunté, t'as glané là, pour la durée de l'exposition. Oui, mais j'ai vraiment agencé ça quand même, puis j'ai fait des choix quand même dans les meubles, parce que c'est ça qui est important pour moi, c'est d'avoir de pouvoir faire des choix dans le fond, même dans les livres que j'ai. C'est pas laissé au hasard, c'est pas des livres que j'achète puis que je me dis ça va décorer, c'est vraiment des choses qui m'interpellent moi-même. Et qu'est-ce qui guide ces choix-là, justement? Ce qui me guidait, c'était justement le fait, mais qui me guide encore, c'est ma recherche, finalement, c'est le fait que j'étais à la maîtrise aussi. Fallait que je fasse une sorte de cadre de ma théorie. Donc, je prenais des livres qui étaient en lien avec définir mon projet, parce que ce projet-là, je me suis depuis très longtemps. C'était un bureau de recherche sur l'art, finalement. Donc, mon but était de le nommer. Donc, ouais. Il fallait que je trouve des théories qui allaient s'agencer à ce que je faisais, finalement, à nommer cet objet. Eh bien, voilà, c'est tout le temps qu'on a. Geneviève Gasse, merci beaucoup. Bien, merci. Donc, bureau de recherche, je recommence. Bureau de recherche est présenté à la Galerie des arts visuels jusqu'au 15 novembre. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Fanny Hénon-Lévy, qui est allée faire un tour à vue. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des Matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200 $ sera offert par la chocolaterie Érico. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. These things will be until... Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danses, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la Claire Ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. Avec son décor digne d'une planque de vampires clandestins, le quartier de Lune, c'est la place où passer son 31 octobre. Participez nombreux à la soirée d'Halloween ce jeudi et courez la chance de gagner un des trois prix de présence de 50, 75 ou 100 $. De plus, chaque prix vient avec un certificat cadeau. N'ayez pas peur. Venez nous rejoindre au quartier de Lune, 799 Avenue Cartier. On est du ben bon monstre. Du ben bon monde, oui, c'est ça. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Conte pour les grands, spectacle jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. Bob Dylan, Richard Séguin, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Folk d'Amérique. Avec podcast, Leonard Cohen, Lila Downs. Folk d'Amérique. Lisa Leblanc, Lightning Hopkins, Neil Young. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. La radio qui cultive ses racines avec Gilles Chaumel. Retour à l'aérospatiale pour cette dernière, deuxième et dernière demi-heure de l'émission consacrée à l'univers des arts visuels. J'en profite pour remercier Jacques Juniac pour son travail à la mise en onde. Et j'accueille à l'instant Fanny Hénon-Lévy. Bonjour. Salut Julie, ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Fanny, t'es allée faire un tour à vue pour à voir vue. L'exposition de Yann Giger. Oui. Alors, Yann Giger nous donne à voir visite libre. Au pluriel, tu remarqueras. Ouais, ouais, ouais. Alors, je reviendrai sur ce petit point après. C'est une très très belle expo. J'ai eu un coup de cœur pour cette expo-là parce que c'est un petit espace. C'est pas un espace facile à prendre. On a une expo qui est très forte, l'exposition de Marissa pour Portolese, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est dans la grande salle de vue et qui prend beaucoup de place. Ouais, et des grands formats en plus. Des grands formats, les images sont puissantes. Alors là, il fallait que Yann il prenne sa place là-dedans et ça répond super bien. C'est un duo qui est magnifique. Il nous donne à voir des cabanes à pêche. Ça va de la maison iroquoise aux escargots, aux figures humaines. En passant par des photos d'archives jaunies, des détails, des étrangetés. Tu as tout un tas de bouts de vie, bouts de souvenirs éclatés qui sont à la fois mis en scène parce que c'est réellement ça. T'es amené à bouger dans l'espace parce que ces fragments-là qui se détachent du mur par un jeu volumétrique, il a posé des photos soit à plat sur le mur, soit il travaille avec des bouts de bois, donc t'as comme l'impression que les images sortent du mur. Il joue avec ces images de manière très très picturale. Il travaille la composition et j'en discutais une fois sur place, non pas avec l'artiste mais avec la personne qui surveillait l'expo, et elle me disait qu'il changeait pas cette composition là. Il a mis 4 ans à la faire. Ah ouais. Et il la bouge pas, et je comprends qu'il la bouge pas parce que c'est travailler. T'as qu'une envie, c'est continuer à tourner. En fait, t'as pas de début, t'as pas de fin, et t'as l'impression qu'en fait, Yann Giger a vidé son sac comme un sac de bonne femme. Il a vidé son sac sur la table et t'as juste le goût de regarder, regarder, regarder encore. Et plus tu regardes, et plus tu tournes, et plus tu y restes, et plus tu vois d'éléments. Ouais, parce qu'il y a tellement à voir. Il y a tellement à voir. Qu'on voit pas tout nécessairement du premier regard. C'est ça, et en même temps, tu vois rien. C'est-à-dire que tu sors avec des sensations, avec des images, des feelings, mais il n'y a pas vraiment de trame narrative. Il y a une narration de sa vie. Il met sa vie en scène. Il a un plaisir à mettre en scène les empreintes de sa vie. Et la photo, d'après moi, il l'utilise comme un prolongement de cette empreinte-là. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il faut le dire aussi, c'est il travaille à l'épreuve argentique et il s'intéresse depuis longtemps au Polaroid également. Donc, on le sait que le Polaroid, depuis 2008, a disparu de la circulation et que avec Impossible Project, qui est un projet des Pays-Bas pour remettre le Polaroid sur la route, bon, c'est encore possible, mais c'est plus les mêmes qualités de Polaroid. Donc, il s'intéresse aussi à la dégradation du Polaroid et de ce médium-là. Donc là, il a un amour et de la photographie comme médium que je trouve très intéressant parce que c'est vraiment un plasticien, d'après moi, au-delà du photographe. Et il a aussi un amour de l'image de l'objet, l'image. Qui l'objectise, tout à fait. Et d'ailleurs, il la présente un peu comme une image domestique. Si tu regardes ce travail-là d'image posée sur bois, bon, ben, ça devient des objets, ça devient effectivement une image objet. Et l'accumulation devient un mobilier. Il vient occuper presque comme une petite maladie là un espace. C'est très très très réussi vraiment. C'est il travaille sur l'émotion, c'est hyper poétique. Il capte le quotidien avec une simplicité. On sent que le travail. Quand je lisais Roland Barthes, ce qui m'avait frappé dans son analyse de la photographie, notamment dans La Chambre claire, il parlait de la photographie dans son punctum, c'est-à-dire le point d'accroche, mm-hmm. et aussi sa composition. Et tu sens que Yann Giger, il fait presque de la photographie amateur avec son œil de professionnel. Et c'est ça qui fait qu'elle est très sensible et qu'elle est très poétique, parce qu'il cherche pas à la rendre super sophistiquée. Il travaille aussi avec les défauts de la photographie. Et tu l'entends à mon ton de voix, là. J'étais enchantée par cette expo-là. Et puis, doublement conquise avec l'expo de Marisa Portolese. Oui, c'est ça. Tu disais que tu trouvais qu'il y avait vraiment des rapports entre les deux. Ben, le rapport à l'intimité, ouais. Le rapport à la famille, le rapport à intérieur, extérieur aussi. C'est quelque chose qui est au travers de ce travail-là de visite libre. C'est sûr que il y a l'intérieur en tant qu'artiste, mais il y a l'intérieur aussi comme habitacle. Mais ouais. Et à l'enveloppe. En tout cas, on pourrait partir dans un débat philosophique là, mais il y a énormément de couches dans ce travail-là. Alors, c'est à aller voir, s'il vous plaît, allez-y. Et je parlais de visite libre au pluriel. Ouais. Tu dis, on va y revenir. On va y revenir parce que c'est pas une visite libre, mais c'est donc. Je pense qu'il y a le point de vue du visiteur, du spectateur, qui est amené à en faire des visites parce que vous pouvez faire plusieurs visites dans une seule visite parce que vous allez tourner et vous allez revenir à certaines images, puis vous allez en redécouvrir à chaque petit tour. Et évidemment, lui, c'est ses visites de la ville, c'est ses visites de sa vie aussi qui retravaille et qui met en scène là. Donc, le titre est bien choisi. Donc, finalement, Fanny, j'ai pas besoin de le redire, mais je vais le faire quand même. C'est à voir absolument. Là, c'est une très belle chaudement. Expo. Ouais, c'est vraiment bravo vu, c'est un très bon choix d'artiste, bravo aux artistes évidemment, j'étais conquise. Voilà, c'est Visite libre, on le dit au pluriel, de Yann Giger, c'est présenté à vue jusqu'au 10 novembre. Faut également aller voir Antonia's Garden de Marisa Portolese et peut-être justement jouer au jeu des liens que Fanny Hénon-Lévy a fait. Merci Fanny. Salut Julie. Voilà, on s'en va en pause audio, on écoute un extrait de la pièce Non-Linear Architectures. We share an archangelic cigarette and tell each other's fortune sur les ondes de CKR. Thank you. Voilà, c'était un extrait de l'album de Situationniste de Fucked Up Beat. On est de retour, bien entendu, à l'aérospatiale et j'accueille à l'instant Patrick Sternon. Bonjour. Bonjour. Patrick, t'exposes en ce moment à Regard Tissu Aporétique. Oui. Peux-tu nous présenter ton exposition? Peut-être en commençant par le titre. Oui. Déjà parler de ce que c'est que quelque chose d'aporétique. Qu'est-ce qu'une aporie? Dans le fond, c'est une contradiction dans un discours. Disons, si on prend la définition en philosophie, la définition spécialisée, disons. Ce qu'il y a d'aporétique, en fait, c'est pas tant mon discours ou mes idées en images, ou peut-être oui, mais c'est surtout en fait ce que j'appellerais l'inscription dans le réel. Inscription de l'image qui est idéelle dans le réel, dans sa matérialité physique, c'est-à-dire la rencontre donc de l'idéel et du réel qui crée l'image dans l'espace. Okay. Ouais. Puis, donc, les œuvres que tu présentes, parce que moi, quand j'ai lu le titre, j'allais regarder justement la définition. Mm-hmm. Moi, je trouvais qu'il y avait ça aussi à l'intérieur des œuvres, une certaine dualité, pas dans toutes. Oui. Mais dans quelques-unes, donc, je pense, j'ai pas noté les titres, mais je pense à une qui est séparée en deux, où à droite, on a l'impression d'un monochrome bleu, à gauche, une forme un peu plus. Absolument, oui. Picturale, expressive et tout, là. Mais c'est intéressant que tu notes ça, mais que tu en même temps, pas dans toutes. Je dirais que c'est assez, pour moi, c'est assez fondamental, en fait, cette dualité-là, puis c'est même cette idée de contradiction-là. Quand je parle de contradiction, c'est que mon objectif initial, à chaque fois, était de créer ce que j'appelle des oxymores visuels. Je n'y arrive jamais. C'est jamais parfaitement. Ce ne sont jamais des oxymores parfaits. En fait, un oxymore, c'est, en fait, une proposition qui propose, évidemment, une chose et son contraire. Ouais. Donc, oui, c'est une figure de style. Donc, c'est ce que j'essaie de faire en image, en réalité, dans l'expérience artistique, en fait. C'est pas ce que je fais exactement, mais c'est ce qu'en partie je mets en exergue, disons. En fait, j'essaie d'établir, comme je disais, l'inscription de l'image dans le réel, que je trouve contradictoire en soi, que je trouve aporétique en soi, que je trouve qu'elle a un caractère d'oxymore, de contradiction en soi. Pourquoi, hein? Pourquoi tu penses ça? Je me questionne. Ben oui. Et je te questionne par le fait même. Ben en fait, c'est que la matière concourt, oui, à l'image, la matière colorante, le dispositif, ce que j'appelle le dispositif ici, ce serait peut-être la toile tendue sur le fond cadre, ça pourrait être du papier, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être un mur. Et concourt donc à la présentation d'une idée en image, d'une image qui est purement idéale, qui concourt à présenter une représentation. Cette représentation, par exemple, quand je montre c'est-à-dire un trompe-l'œil de styrofoam, de planche de styrofoam, ce que je fais en établissant le motif de styrofoam, en intervenant comme ça, c'est que je désigne à la fois la planéité du styrofoam, de ce qui est représenté, d'un espace représenté, et la planéité de l'espace physique, qui est en fait la toile elle-même, en réalité. Donc, c'est une façon, pour moi, de mettre en exergue, c'est-à-dire de désigner la représentation, mais par un mécanisme, en fait, qui lui est, dans le fond, contradictoire ou étranger, mais intrinsèque à la fois. Est-ce que c'est clair? Oui. En fait, c'est que je pensais aussi, bon, on a parlé du styrofoam, moi, j'ai vu ça aussi comme... J'ai ri quand j'ai vu ça parce que j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un pied de nez, tu sais. Donc, de reproduire exactement, je veux dire, quand on le regarde de loin, on dirait vraiment que c'est ça, là, tu sais. On est dans le trompe-l'œil. Est-ce qu'il y a de ça aussi, de ce pied de nez-là? Oui, il y a de ce pied de nez-là. J'aurais plein de choses à dire, là. Je vais essayer de me concentrer sur une seule idée. Mais, disons que je refais un peu mon formalisme, là. Puis c'est un peu un pied de nez, ou peut-être au formalisme, c'est-à-dire que là, j'utilise la représentation, tout simplement. D'autre part, puis je déconstruis certains mécanismes de la représentation. D'autre part, en fait, quand mon esprit part en couille, excusez-moi, la révérence se parler comme quelqu'un ça. Quelqu'un, il s'affole. Exactement, j'ai trop d'idées en même temps, tout se mélange. Quand effectivement il y a l'inscription de la représentation purement idéale dans la matérialité de l'image, du dispositif, il se produit cette espèce de, comment dire, Rappelle-moi ta question, tout simplement. Ben, sais-tu, je suis en train de l'oublier. Ah oui, je te demandais si... Parce que j'ai dit que j'avais vu comme un pied de nez, puis je te demandais, oui. Est-ce qu'il y a effectivement pied de nez dans... Ben, il y a... Ah dedans. Oui, voilà ce que je voulais dire. Le pied de nez, pour moi, c'est l'effet. En fait, tout ça, l'expo au complet, chaque œuvre, questionne l'effet en art. En fait, c'est quoi l'effet en art? Le premier des effets, pour moi, c'est encore cette sempiternelle, cette inscription dans le réel, c'est en tout art, même en peinture, comme dans, même dans un art immatériel, en fait, c'est comment la représentation ou l'idée non formulée, non mise en mots, disons, se retrouve formulée donc en image ou en expérience artistique. OK. Donc c'est cette rencontre de la réalité et de l'idée. Et c'est un pied de nez, en fait. En ce sens que c'est pas un pied de nez tant à l'histoire de l'art qu'un pied de nez à comment, ben en fait, ce qu'est l'effet en art. Il y a plusieurs effets, selon moi, bien sûr. Là, je pourrais en décliner plusieurs. Le premier effet serait l'inscription dans le réel. Le deuxième, qui découlerait immédiatement après, c'est la manifestation de virtuosité. La séduction, en fait, ou l'intention de séduction. Ben parce qu'il y a, justement, tu parles de séduction, mais il y a quelque chose, justement, de séduisant là, dans tes œuvres. Donc, tu sais, il y a cette dualité-là qui nous interpelle, en tout cas, à tout le moins, qui m'a interpellée. Mm-hmm. Les couleurs aussi, la lumière, là, c'est très important, ça aussi. Oui, puis j'avais envie de les mettre en décalage, en fait, de faire en sorte qu'on les observe, mais qu'ils soient un peu dans un rapport d'hétérogénéité, de rupture avec la pièce ou le fonctionnement de l'œuvre en soi, qu'ils soient désignés. En fait. Okay. Dans chacune des, parlant de désignation, dans chacune des œuvres, ce que je souhaitais, c'est désigner, en fait, créer un cycle où je désignais de la présence en figurant de l'absence et vice-versa. À un moment donné, ce cycle-là revient à figurer de l'absence en désignant de l'absence ou l'inverse, figurer de la présence. De l'absence, oui. D'où une chose et son contraire. Exactement. D'où, par exemple, dans ce grand tableau bleu, il y a le noir et le blanc au centre. Exactement. Donc, ça s'inscrit là aussi. Toujours dans un rapport d'hétérogénéité un peu binaire, mais surtout de contradiction, en fait. De rapport de lutte, en fait, de hiatus. Mais pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que on en parlait avant l'entrevue, il y a un peu plus d'un an, tu étais en entrevue ici. Oui, c'est Raymond Poirier qui m'avait remplacé pour parler de ton exposition à la Galerie des Arts Visuels avec Samuel Breton. Mm-hmm. Puis tu disais que tu t'intéressais beaucoup justement à l'hétérogénéité, à la rupture, puis tu disais que tu essayais de sortir la de composition ça. Et tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Ce que j'ai un peu fait là, mais en fait, en fait, il y a un rapport de séduction, en fait, qui se rapproche peut-être du graphisme aussi. C'est un pied de nez à la séduction, ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ça, je voulais sortir des préoccupations qui étaient de l'ordre de, OK, on se concentre sur la composition, si la composition est harmonieuse, c'est qu'on intègre le cadre en le faisant oublier. Là, ce que je voulais, notamment dans la dernière expo, celle-ci et l'autre, la précédente. Ce que je voulais, c'est justement désigner les limites du cadre, les montrer, les souligner au gros crayon gras, en fait. Mais sans abolir l'effet de la représentation, en réalité. Donc, c'est quand on fait ça, c'est qu'on étire un peu l'élastique de cet effet-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, en fait... C'est qu'on le désigne tout simplement, on le met en abîme, on crée une distanciation tout simplement. C'est ce que je voulais faire, en fait, montrer, mettre le doigt sur une façon de séduire et de créer de l'effet. Et là, excuse-moi, j'ai perdu ma question. J'essaie de revenir. J'essaie de me relancer. Oui, c'est ça. Tu joues aussi beaucoup. C'est ça que je voulais dire. On sent dans ton travail toute une réflexion sur la peinture elle-même. Donc, tu te fais pas que peindre, tu réfléchis à la peinture, comment la peinture, bon, tu t'en parlais aussi, apparaître les choses et tout ça. On sent que c'est comme un moyen pour réfléchir justement sur le médium. Bien, je sais pas, ça dépend de votre expérience par rapport à ce qui est là, au résultat. Ceci dit, c'est intéressant de la façon que ça se produit, en fait, la réflexion. se formule en mots. C'est important pour moi de faire bien la distinction. C'est un peu comme une obsession. Là. Le rapport entre les idées en mots et en images, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Un leitmotiv, vraiment. Oui, vraiment. Puis, je le vois dans le processus de création, en fait. Il est au début, ces obsessions-là, mises en mots, ces réflexions-là, ces idées-là sont clairement formulées. OK, c'est quoi mon objectif? C'est de mettre en exergue la planéité. Pourquoi? Pour justement mettre en exergue aussi le dispositif, la peinture, parler de la peinture, revenir au fondement de la peinture, OK? Toutes ces idées-là, en fait, sont soudainement mises en sourdine dès le moment d'exécution. OK. Et ça se fait tout le temps dans un dialogue avec la peinture. Ça se fait dans des milliers de couches. Ben, des milliers de couches. Enfin, oui, si on a ça, toutes les peintures. Là. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc, il y a des couches, vraiment beaucoup de couches qui ont disparu, même dans la grande toile bleue, où il n'y a qu'une seule intervention. Cette intervention-là est couverte de matière picturale et vraiment bien texturée. Ouais. Si vous approchez, c'est vraiment... Il y a des couches. Il y a même un lettrage en dessous que j'ai effacé. Il y a pourtant qui était réalistement, raisonnablement satisfaisant. Satisfaisant, disons, mais j'avais trop besoin, oui. Mais en fait, c'est quoi? Ça, on le voit aussi dans le tableau avec ce qui semble être un monochrome. Là, on voit que le bleu est par-dessus la partie de gauche, finalement. Là. Oui, oui, tout à fait. Oh, oui. Ah, d'ailleurs, ce tableau-là, c'est ça. Donc, j'ai des moyens dans la production plus fraîche, plus nouvelle, les petits tableaux et le gros tableau bleu. J'ai des moyens beaucoup plus simples, en fait. Tout ça pour dire que ces idées-là mises en mots au début du processus sont évacuées pour demeurer en sourdine, pour trouver, surtout dans cette production-ci, des solutions, des stratégies beaucoup plus intuitives, beaucoup plus spontanées, en fait. En réalité, beaucoup plus simples. Donc, tu te baignes dans ta réflexion, puis après ça, tu te laisses porter sans nécessairement exactement. Continuer à y réfléchir. Et donc, c'est toujours là. C'est toujours en sourdine dans ma tête. C'est ça. Puis je le redécouvre après en regardant le corpus ensemble. Puis oui, les liens se font tout de suite. Ces idées-là ne m'ont jamais quitté. C'est juste que dans les solutions, pour trouver des solutions purement picturales, j'ai besoin de quitter les mots. Ouais. Pour te baigner justement dans le pictural exclusivement. Exactement, exactement. Voilà, ben Patrick Sternon, c'est tout le temps qu'on a. Ah, je te remercie. On aura probablement l'occasion de rediscuter au fil de tes prochains projets. Donc voilà, Tissu aporétique est présenté à Regard jusqu'au 1er décembre. On s'en va en pause, on écoute un extrait de la pièce Dérive. We'll walk up to the cloudy streets with anxiety toward the snowy horizon and scream out the engine. Voilà, c'est l'heure de la fin de l'aérospatiale. En terminant, demain, c'est la date limite pour s'inscrire aux ateliers de création en art audio organisés par Folliculture qui sont donnés par Éric Dorion. Vous pouvez visiter le site de Folliculture pour avoir plus d'informations. Plusieurs événements, 30-31 octobre au lieu à 20h, deux soirées de performances finlandaises. Et vendredi, ben là, c'est vraiment soirée de vernissage à Méduse, 17h à la bande vidéo, 19h en gramme et 20h à l'œil de poisson. Sur ce, ben, je vous souhaite une belle soirée et je vous laisse avec Gilles Chaumel et son folk d'Amérique.